Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonjour pour ceux qui sont ici au niveau de l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et tous les environnements. Bonsoir pour ceux qui sont, je dirais bon après-midi, puisque je crois qu'il doit être 14 heures en Afrique, précisément au Gabon, au Cameroun et au Congo, il est 14 heures. Et il est 15 heures en France. Je crois qu'on a 6 heures d'écart. Ce matin donc, je n'ai pas avisé beaucoup de monde là, mais pour ceux qui se branchent, tant mieux. Le sujet que je vais aborder avec vous donc ce jour, c'est le fait de ne pas se plaindre. Comme vous l'avez constaté, je disais que évitez de trop vous plaindre, parce que si vous vous plaignez trop, vous bloquez quelque chose. D'abord, qu'est-ce que c'est se plaindre? Y a-t-il quelque chose d'illégal ou de mauvais de se plaindre dans la vie? D'une manière générale, je peux vous dire non. Il n'y a aucun mal. Tout un chacun au quotidien, comment dirais-je, a toujours quelque chose à dire. Okay? On a toujours quelque chose à dire. Je vais dire, on a toujours quelque chose qui nous préoccupe. Et il est donc de notre droit, parfois, de parler, de se confier à quelqu'un, ou de se confier pour ceux qui sont religieux. Oui, bonjour, bonjour. Merci, merci pour ceux qui sont rentrés. Je dirais que pour ceux qui sont religieux, ils vont se mettre à genoux, ils vont. S'ils vont utiliser le même verbe, ils vont se plaindre auprès du Créateur de l'univers. Il n'y a aucun mal à cela. Il y a certains qui vont sûrement se confier à quelqu'un, ou à un ami, ou à une amie. Il n'y a aucun mal à cela. Vous avez des problèmes qui vous préoccupent, et c'est un peu dans le rôle, hein, le boulot un peu que je fais. L'une de mes préjoratives, comment on dit ça en français, l'une de mes fonctions ou de mes rôles, l'un de mes rôles, c'est justement écouter les plaintes des personnes parce qu'ils se plaignent des problèmes de leur vie. Je parle en tant que psychothérapeute. Donc, ils ont des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, dont il faut se confier à quelqu'un qui a été formé, qui a été à l'école pour ça. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse écouter les plaintes. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet ici, ce n'est pas dans le cadre de ma profession. Ça, sinon, sinon je dirais, je vais arrêter. Mais je suis content puisque je suis bien payé. Hein. Enfin, je ne suis pas millionnaire, mais je gagne bien ma vie en faisant ce boulot. Et sauf que chaque jour, si je me confie à vous hein, pour entendre les plaintes des gens, souvent, on se plaint beaucoup plus sur les autres que sur soi-même. Alors, vous venez me voir, vous me confiez un problème. Vous commencez déjà à dire non, voilà, tel, si je ne réussis pas, c'est tel, un tel. C'est un peu ce genre de plainte ici, dont je vais un peu plus me focaliser et beaucoup plus passer du temps avec vous. Et le deuxième genre de plainte que je vais mettre l'accent ici, c'est en rapport un peu avec votre vie de manière générale. C'est-à-dire, quand je parle de vie, vous vous adressez à un homme spirituel. Il y a à peine 2 jours, je reçois les cris d'alarme d'une femme qui est pasteur. Elle appelle d'un pays très lointain d'ici, elle appelle de l'Europe. Elle me dit, ben voilà, monsieur Onouvier, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Je crois que mon ministère même prend un coup. Mon ministère prend un coup, pourquoi? Parce que je crois que les gens sont jaloux, les gens me créent des problèmes. Je dis, ah bon, oui, et vous êtes pasteur? Oui, mais écoutez, nous sommes humains avant tout. Souvent, c'est l'excuse que j'entends tout le temps. Quand je me confie, quand des pasteurs ou des prêtres, bon, j'ai rarement eu des prêtres, j'ai des amis qui sont prêtres, mais quand même, parfois, ils se confient en moi, par exemple, surtout avec les problèmes liés avec leur vie intime, hein, parce que vous êtes sûrement au courant. On nous a toujours dit qu'il y a certains prêtres qui sont dans des pratiques un peu hors nombre, normes. Les gens se plaignent de la pédérastie et autres. Donc, il y a certains qui se confient à moi dans l'anonymat, comment justement s'en débarrasser de ce démon de la pédérastie ou de l'homosexualité. Donc, chacun a des problèmes. Mais j'insiste, Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des plaintes en rapport avec votre vie qui ne marche plus bien. Parce que c'est ça le problème. On se plaint. Oui, si ma vie n'avance pas, c'est parce que je crois qu'il y a mon oncle, ou je crois qu'il y a la nièce, ou j'ai la tante, ou bien quelqu'un dans ma vie, sûrement bloque ma vie. À cela, je vais vous dire ceci. Je commencerai par la parole des maîtres qui a dit ceci. À chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez? À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mener votre vie tranquillement. Et que chaque problème que vous allez vivre au quotidien, il y a une raison pour ces problèmes. Il n'y a pas de problème, comme on le dit chez nous en Afrique, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce qui vous arrive, il y a une raison derrière cela. Ok? Ce n'est pas un hasard. Certains sûrement ont pris beaucoup d'années pour comprendre cela. Moi, un peu plus à mon jeune âge, j'ai eu la grâce ou encore le privilège d'avoir autour de moi une bonne équipe. Notamment ma grand-mère Mouma Elisabeth et mon grand-père Mbombo Martin et son frère Nzibo. Là, je parle des parents du côté de la mère à mon père. Parce que la mère à mon père, elle était Sakebenga. Donc, ce vieux-là, surtout le vieux Mbombo, il m'a beaucoup rodé dans la vie. Je bénéficiais donc des conseils de sagesse. Et je vais donc utiliser un peu ces conseils. Ceci hormis toute influence des maîtres invisibles ou bien de n'importe quel livre de pédagogie. Madame la pasteur, j'espère qu'elle me suit. Parce que je lui ai demandé de me suivre. Je lui ai donné l'heure. C'est en fait à cause d'elle que je me suis précipité à venir faire ce live. Ce n'était pas prévu dans mon calendrier. Puisque dans les 30 minutes, là, je dois me rendre au travail. J'ai pris une petite permission d'une heure. Et ce qui est intéressant avec mes gens, c'est qu'ils connaissent. Ils savent qu'en dehors de mes activités professionnelles, je suis également dans les activités spirituelles. Je suis dans ce qu'ils appellent des motivational job. Donc, je motive les gens. Je vais dans les écoles, parfois on m'appelle pour aller motiver les gens. On ne me paye pas pour ça. Et ils savent que c'est ça mon rêve. Et ils sont au courant de mon projet, des voyages que je fais à gauche et à droite. Bien, donc je leur ai dit, accordez-moi une heure. Je vais essayer de m'adresser à mes amis et connaissances parce qu'ils ont des sujets qui les préoccupent. Ma soeur qui est pasteur, il faut comprendre une chose, que pasteur n'est qu'un titre. Pasteur, vous n'êtes peut-être pas appelé à être pasteur, mais vous avez choisi d'être pasteur. Mais votre personne, votre vie à vous, elle n'a rien à voir avec le titre de pasteur. C'est-à-dire que, hormis le fait que vous soyez pasteur, hormis le fait que quelqu'un soit ministre, député, prêtre ou président de la République, nous sommes avant tout un être humain. Et un être humain est composé de deux éléments. Il y a le côté humain, je dirais trois. Il y a le côté humain, lequel côté humain est formé de tous les éléments que nous connaissons. Donc, les quatre éléments de la vie. Nous retrouvons l'eau, notre corps physique est composé de 78, je voulais dire entre 60 et 70%. Bon, les scientifiques disent que c'est 60% au lieu de 70. Donc, notre corps est composé de 60% d'eau. Voilà pourquoi il vous est recommandé de temps en temps de boire au moins 2 litres d'eau par jour. C'est recommandé. 2 litres d'eau par jour. Et le corps également est composé de autres éléments, c'est-à-dire l'élément terre. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. Ça, vous vous rappelez de ce vieux, de cette vérité biblique et elle est également scientifique. On a observé des corps qui se pétrifient. Vous prenez le corps, vous le mettez en sous-sol, il se détruit et à la grande surprise, la chair devient carrément la terre. Donc, parce qu'on a été créé à partir de cela. Et nous avons l'élément feu. L'élément feu, c'est la vitalité, c'est l'énergie qui est en nous. Cet élément feu, donc, représenté par le feu qui est en nous, donc l'esprit, en émo. La force vitale. Chez les chrétiens, ils appellent ça, si vous voulez, le Saint-Esprit. Bien. Et le quatrième élément, c'est l'élément air, qui nous permet d'avoir le souffle à travers ce que les Indiens appellent le prana. Bref, Tout ceci, c'est la composante de notre corps physique. Maintenant, il y a d'autres considérations. C'est que quand nous venons sur Terre, pardonnez-moi, venant sur cette Terre, nous avons en nous, pardonnez-moi, nous avons en nous cet intar que nous traînons. Ça veut dire quoi? Si vous êtes initié, vous comprendrez ce que je veux dire. Tout un chacun se réincarne dans une nouvelle vie. C'est-à-dire que vous revenez pour une nouvelle vie, pour une raison quelconque ou pour une autre. L'état que vous traînez, c'est quoi? C'est que dans la vie passée, sûrement vous n'avez pas pu accomplir beaucoup de choses dans votre vie. Ou bien, vous avez dû causer du tort à certains individus. Vous avez créé des malheurs aux autres. Vous avez posé des actes qui sont plus ou moins pas très cool hein, dans la société. Donc, pour une raison ou pour une autre, donc les maîtres vont décider de vous envoyer revenir sur Terre, donc pour vous réincarner, donc venir sur Terre. Souvent, cette réincarnation, comme vous le savez, dans mes autres enseignements, j'explique, ça se passe au sein de votre propre famille. Sauf si nécessité y est, ils vont vous envoyer vous réincarner dans une autre famille. Et souvent, c'est rare, mais ça arrive. Alors, maintenant, quand vous revenez sur cette Terre, retenez bien, là je vous amène un peu plus loin avant de pouvoir vous expliquer d'abord au cours de votre vie présente pourquoi il y a tellement de problèmes qui vous poussent vous de vous plaindre. Hein, vous allez vous plaindre, pourquoi? Donc j'essaye d'aller un peu à la racine du problème. Premièrement, retenez que au cours de votre incarnation passée, vous avez dû faire, poser certaines actions. Vous avez dû poser... certaines actions soient bénéfiques ou maléfiques. Donc, les maîtres invisibles, les génies, ou vous l'appelez comme vous voulez, ou Dieu, décident qu'il faudrait donc revenir. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, notre vie passe par des cycles incarnatoires jusqu'à ce que vous atteigniez votre perfection, votre divinité. Parce que, faut-il le retenir, que nous sommes divins par essence. Nous sommes une créature divine par essence. Donc, Votre être, ce que j'appelle être, c'est cette divinité. Parce que être humain, je vous ai d'abord défini ce que c'est un humain. L'humain est composé des quatre éléments dont je vous dis. Ça, le corps physique que vous voyez, c'est l'humain. Il y a l'animal, il y a l'humain. Maintenant, qu'est-ce qui fait de vous un être humain? C'est ce que je veux expliquer ici. Donc, j'ai expliqué la phase de humain. Maintenant, la phase de être, c'est à partir des phénomènes incarnatoires. Donc, votre âme, votre esprit, va pouvoir maintenant s'exprimer dans un nouveau corps. Alors, vous devenez un être humain. Mais le problème, c'est que votre âme, selon les archives akashiques, c'est-à-dire selon le livre des souvenirs, selon ce que les religieux disent dans le livre des révélations, et même dans le livre de Daniel, et même dans certaines d'autres prophéties, malheureusement, qui ont été considérées comme apocryphes, on nous dira que chaque jour de notre vie, nous avons un livre de vie. Lequel livre de vie? Les guides écrivent toutes les actions que nous posons. Ce n'est pas faux. Moi, j'y crois cela et j'ai vu cela. J'ai des guides, je les vois, je communique avec eux. Chacun de nous a un guide. Hein. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, avoir un peu la culture ou l'éducation sur les guides, qui sont nos guides? Ou bien ce que vous appelez anges gardiens, existent-ils? Oui, ils existent. Hein, les religions n'ont pas inventé ça. Ça existe. Dans la conscience collective, ça existe. Vous pouvez donc commander ce livre-là, comment communier avec votre guide ou votre ange gardien. Bref, donc votre ange gardien, selon la tradition chrétienne occidentale, et même orientale, nous chez nous en Afrique, on ne parle pas comme ça. Mais je parle selon la tradition orientale et occidentale qui est juste ici à titre d'information pour nos frères africains, ou nos frères noirs. Et même certains de nos frères noirs, la majorité de nos frères noirs, malheureusement, 80%, nous sommes influencés par les philosophies occidentales ou les religions occidentales. Donc, ce guide ou ange gardien écrit toute votre vie. Et tout ce qu'il écrit, ça reste dans les archives akashiques. Ce qui fait que vous allez revenir, vous incarner. Maintenant, vous avez une nouvelle vie. Maintenant, madame la pasteur, écoutez-moi très bien. Votre vie actuelle, n'avez-vous pas souvenir des actions que vous avez posées, puisque vous me dites que vous avez 52 ans. Les actions que vous avez posées de votre... Vous n'êtes peut-être pas consciente de ce que vous avez fait depuis la naissance. Mais moi, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai souvenir de ce que j'ai fait depuis l'âge de 5 ans. Les parents n'ont pas eu besoin de me le rappeler. Mais les parents m'ont rappelé, donc ma mère notamment, souvent les mères, elles sont très gentilles, elles, ce sont elles qui nous donnent le souvenir de nos vies. Ma mère me rappellera ce que je faisais depuis l'âge de 1 an jusqu'à 4 voire 5 ans. Mais je lui dirai que non, à 5 ans, je m'en souviens que tu te palabrais souvent avec papa et moi, je pleurais dans un coin, dans le noir. Et c'est la grand-mère qui venait vers moi. Bref, c'est pour vous dire que nous avons quand même le souvenir de notre vie depuis l'âge de 5 ans jusqu'à notre âge actuel. Donc, madame la pasteur, essayez, ceci reste valable pour tout le monde, avant de vous plaindre dans votre vie, avant de vous plaindre de ce qui vous arrive, je rentre maintenant dans la pratique, hein, essayez de comprendre que, essayez de rentrer dans vos archives akashiques, en d'autres termes, n'allez même pas trop loin dans votre vie incarnatoire avant de vous incarner présentement. Parce que ce langage va sûrement vous choquer parce que vous êtes chrétienne, vous ne croyez pas à la réincarnation. Pardonnez-moi, mais c'est un fait scientifique éprouvé. Donc, essayez de penser maintenant à votre vie actuelle. Depuis votre jeune âge, qu'avez-vous posé comme acte? Et soyez honnête avec vous-même. Parce que la loi scientifique dit qu'il n'y a pas de hasard. Et M. Pythagore, que j'aime bien, dira quelque part que à tout état de conscience égale à tout état de vie. D'autres termes, tout ce qui vous arrive n'est pas un hasard. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un parent, sorcier soit-il, qui est forcément, je dis bien qui est forcément. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas dire par là que j'exclus cette éventualité. Je ne suis pas en train d'exclure l'éventualité de certains individus qui sont capables de vous faire du mal. Et là, je me réfère à ma vidéo sur les manipulations psychologiques, les manipulations psychosomatiques et les manipulations psychologiques. C'est un enseignement qui est, je crois, sur Facebook. Je ne l'ai pas encore balancé dans ma chaîne Tata Nzambel Autopuissant. Donc, dans ces manipulations, il y a des gens qui savent effectivement faire du mal aux autres. Cela ne peut point nous surprendre. Mais ici, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur le fait que si vous arrive tant de malheurs, essayez un peu de voir dans votre vie présente, dans votre incarnation présente, ce que vous avez dû faire dans votre vie. Parce que, comme je disais, selon Pythagore, à tout état de conscience égale à tout état de vie. En d'autres termes, tout ce que nous faisons dans notre vie, même si on l'a fait il y a de cela 40 ans, ça doit nous poursuivre jusqu'à épuration. C'est pour cela, nos amis les hindous, c'est-à-dire la religion hindoue, pratiqué par les Indiens, nous parle de ce qu'on appelle la loi karmique. Et dans l'Ancien Testament, on appelle ça la loi de Talion. Cette loi de Talion, c'est gifle pour gifle ou coup de poing pour coup de poing. Hein? En d'autres termes, tout ce que vous avez fait, si vous me faites du mal, moi je vous rends le mal. L'apôtre, comment dirais-je, Moussaou, celui que vous appelez Moïse, avait établi cette loi, la loi de Talion. Ce n'est pas moi qui l'ai établi, c'est lui. Dans l'Ancien Testament, vous retrouvez cela. Il avait dit que dent pour dent, œil pour œil, c'est comme ça on l'appelle. Donc, retenez bien que les actions que vous avez commises, les choses que vous avez commises de votre vivant, depuis votre naissance jusqu'à l'âge actuel, vous me dites que vous avez 52 ans, il faut revoir cela. Et il y a la possibilité de revivre cela. Soyez honnête avec vous-même. Celui, pour ne pas me répéter, ceci s'applique à tout le monde. Parce que s'il y a de cela, je ne sais pas moi, 30 ans, vous étiez au lycée, vous avez insulté quelqu'un, vous avez commis des actes regrettables, mais vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas demandé pardon à la personne à qui vous avez fait du mal, la personne que vous avez offensée. Voyez-vous, ça reste dans ce que nous les initiés on appelle les archives akashiques. Ça reste dans le livre des souvenirs. Donc, si il n'y a pas eu repentance de cela, vous ne pouvez pas. Et ceci s'applique même pour vous. Avant de devenir pasteur, normalement, soyez honnête avec vous-même. Vous devez faire ce qu'on appelle la confession de foi. Et même avant de devenir prêtre, vous faites ce qu'on appelle la confession de foi. Cette confession de foi, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez désormais vous engager à servir Dieu pour le reste de votre vie, mais vous devez faire ce qu'on appelle la confession de votre vie passée. C'est-à-dire que tout le clergé qui est ici devant vous, avant de vous donner la bénédiction ou encore l'onction, vous devez leur dire tout ce que vous avez fait. Et ça, dans tous les détails nécessaires. Que ce soit en pensée. Souvenez-vous, il y a une prière catholique qui dit, je crois, je me rappelle de ce récital, qui dit que Père, je te demande pardon dans la prière, mais je ne sois pas la prière universelle. Il dit ceci, si j'ai bon souvenir, hein, aidez-moi. Je te demande pardon parce que j'ai péché en parole, j'ai péché en action, j'ai péché en offense ou quoi. Pardonne-moi. Donc, pourquoi on demande cela? Mais parce qu'on vous demande, vous, de vous présenter devant le Créateur pur et de vous repentir. Se repentir veut dire que vous dévoilez, vous dites tout ce que vous avez fait de mauvais dans votre vie avant de pouvoir accéder à une nouvelle vie. Il en est de même, que vous soyez initié ou pas, même dans le cadre de votre vie en général, vous devez toujours faire cette confession. Maintenant, pour nous qui sommes traditionalistes, qui croyons également au rite des ancêtres, c'est la même chose. Avant de demander appel à vos ancêtres, vous allez vous... Moi, il y a certains qui me disent, mais moi, j'ai tenté, comment se fait-il que ça ne marche pas? Voilà pourquoi sous le Baobab, que vous pouvez cliquer, bien sûr, hein, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez vous y abonner. Là-bas, j'enseignais que les résultats varient d'un individu à un autre. Nous avons eu des cas de témoignages de personnes qui, après avoir parlé aux ancêtres, et je répète pour mes amis qui sont religieux, madame la pasteur, vous me suivez, le livre de Deutéronome chapitre 12 et le chapitre 18 que vous m'aviez exhibé en disant que non, Dieu interdit de prier les morts ou d'invoquer les morts. Retenez bien que nous traditionnalistes, on ne demande pas à l'homme noir de prier les morts. On ne prie pas les morts, ok? Mais on honore les morts parce que les juifs honorent les morts, ok? Et même jusqu'à nos jours, allez-y discuter avec des rabbins ou n'importe qui, toute la plupart des religions... des traditions religieuses, honore les morts. Honorer est différent de prier. L'action de grâce ou l'action d'adoration est réservée uniquement à celui que vous appelez Dieu. On ne peut pas adorer nos ancêtres. Donc, s'il vous plaît, je tiens seulement à profiter de vous faire cette remarque, parce que vous m'avez fait exhiber le livre de Deutéronome qui dit, oui, vous ne devez pas prier les morts. Moi, je n'ai jamais demandé aux gens de prier les morts. Vous savez ce que ça veut dire, prier? L'acte d'adoration. On ne l'a pas dit. On demande d'honorer les morts. Parce que votre Bible le dit dans le livre des Proverbes et dans le livre même de Matthieu. Et même Jésus le dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Alors vos jours vont s'allonger. Et dans le livre des 10 commandements, on le dit. C'est, je crois, le troisième grand commandement. On nous dit, honore ton père et ta mère. Ainsi tes jours vont s'allonger. Pourquoi? Parce que ton père et ta mère représentent Dieu sur terre. Juste une parenthèse, pardonnez-moi. Donc, les malheurs qui vous arrivent. Depuis votre jeune âge, vous insultiez vos parents, vous insultiez votre mère, vous insultiez votre père. Il y a quelqu'un dans le forum qui m'a posé la question suivante. Maintenant que mon père spirituel, ma mère spirituelle, c'est-à-dire la personne qui m'a amené dans l'initiation, la personne qui était mon imam, la personne qui était un mentor spirituel, ce papa ou cette mère spirituelle est morte. Mais de son vivant, parce qu'on vous a initié, on vous a donné votre bouti, on vous a donné votre pouvoir, alors vous venez en France, vous venez ici aux États-Unis, vous quittez le pays et vous n'avez même pas un contact permanent avec votre maître ou avec votre initiateur. Peut-être que vous avez eu des différends, peut-être qu'il voulait vous confier un secret, peut-être que, une fois vous êtes maintenant en possession du pouvoir, vous vous dites c'est fini, ce type-là, je n'ai rien à foutre avec lui. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant aux abois parce que votre vie ne va plus bien. Il y a des choses maintenant qui n'arrivent plus à s'expliquer dans votre vie. Vous vous retrouvez dans la merde totale. Et malheureusement, votre maître initiateur ou bien votre guide ou votre imam, celui qui vous a donné ce pouvoir, celui qui vous a initié, celui qui vous a donné votre pouvoir, que nous appelons chez les Gabonais votre bouété, il vous a donné votre beauté, c'est-à-dire qu'il vous a donné le pouvoir. Maintenant, le fait que vous ne nourrissiez pas ce pouvoir en faisant des voyages constants auprès de votre maître, en communiquant avec votre maître, en lui racontant votre vie, en aller de temps en temps auprès de lui, recueillir certains conseils de sagesse, ce n'est pas simplement parce que vous êtes fait initié que vous tourniez le dos. Retenez que, en rapport toujours avec le sujet, pourquoi il ne faut pas se plaindre? Mais vous avez tellement de problèmes aujourd'hui et vous vous plaignez que la vie est bloquée et pourtant vous avez subi mille et une initiations, mais oubliant que votre maître, La personne qui vous a montré la voie, la personne qui vous a donné ce bouquet ou ce pouvoir, a une dent contre vous simplement parce que vous ne pensiez même plus à la personne. Ou bien la personne est morte avec cette colère dans son cœur. Là, je m'adresse aux gens, parce que je sais, allez-y sous le babab, il y a... ces questions sont traitées, et quelqu'un m'a posé cette question. Mais que faire de ce maître qui est parti et qui m'a laissé avec tous les pouvoirs? Mais j'ai compris la profondeur de cette question. Parce que le pouvoir qui est resté avec vous, il vous emmerde. Et parfois, il y a certains comportements de ce pouvoir ou certains méfaits. Seul votre maître, seul celui qui vous a donné le pouvoir, est capable de pouvoir résoudre ce problème. Vous n'allez pas me faire appel. Moi, je ne sais pas comment votre beauté a été faite. Je ne sais pas comment vos histoires ont été faites. Certes, avec ma connaissance mystique et spirituelle, je ferai de mon mieux de pouvoir ici vous aider. Mais en réalité, la clé véritable est partie avec votre initiateur. Donc aujourd'hui, vous allez avoir mille et un problèmes dans votre vie. Mais c'est parce que vous n'avez pas honoré la mort de votre initiateur. Vous n'étiez pas en bonne relation avec votre initiateur. Maintenant, aujourd'hui, vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Et suivez, allez-y me suivre mon enseignement. Là, j'ai prévu un enseignement dessus, ça date de cela 6 mois, où j'expliquais que est-il possible, vous, en tant qu'initié, que votre initiation ne marche pas, ou bien est-il possible que vous, en tant qu'initié, vous vous fassiez manipuler par des sorciers ou d'autres initiateurs initiés? La réponse est oui. Allez-y me suivre cette vidéo. C'est-à-dire que vous êtes déjà un initié, mais vous pouvez être victime des manipulations d'autres initiés plus malins que vous, et de même de votre propre maître, de votre propre guide spirituel, c'est-à-dire celui qui vous a montré le cheminement. Vous avez vu ce monsieur ou cette dame qui vous a béni, qui vous a donné toutes les bénédictions. Et bien voilà, vous brillez dans votre vie, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut. Maintenant, un bon matin, vous dites, non, moi c'est fini, ces histoires-là, je ne veux plus entendre parler, je vais devenir pasteur. Mais vous oubliez, madame la pasteur, vous êtes africaine. Lorsque vous étiez née, ok, il y a eu certains rites que vous ne connaissez pas. Allez-y me lire le livre de Lévitique, allez-y me lire le livre de Deutéronome. On explique les rites qu'il faut pratiquer lorsque nous avons un nouveau-né qui est au milieu de nous. Saviez-vous cela? Que le rite que nos ancêtres, les Hébreux, faisaient, ce que vous appelez aujourd'hui le peuple d'Israël, qui en réalité n'a rien à voir avec le peuple antique israélite, ces mecs-là, on présentait le nouveau-né. Et ce rite, je le fais d'ailleurs pour certaines personnes, pour ceux qui veulent le faire. Bien sûr, vous êtes obligé de payer quelque chose, parce qu'il y a des éléments que je suis obligé de prendre ça et là, il faut de l'argent pour acheter ces éléments. C'est-à-dire que votre enfant qui vient de naître, non seulement il faut apprendre à lui donner un bon nom, il faut composer le vrai nom, mais également, il faut faire un rite d'accueil. Il faut faire ce rite-là. Ce rite va permettre l'arrivée de cette âme, même si cette âme était une âme méchante dans le passé, mais nous allons quand même, par ce rite, le faire accepter dans la vie actuelle afin de pouvoir alléger son karma. Donc, madame la pasteur, vous ignorez ces choses-là. Vous n'avez pas ravivé cette flamme de nos traditions. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, Jésus, je l'ai accepté, voilà, c'est Marie. Mais cet esprit de Jésus de Balan que vous adorez, ça n'a rien à voir avec nos ancêtres. Il y a eu un lien ombilical que vous avez détruit brutalement. Et cette destruction brutale de ce lien, moi je l'appelle dans mon langage, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, c'est-à-dire S-C-H-I-S-M-E. Donc, ce schisme est une destruction brutale de votre égrégore original, c'est-à-dire familial ancestral, d'avec votre nouvel égrégore appelé Jésus-Christ ou je ne sais pas trop qui. Cette séparation brutale fera en sorte que vous allez vivre autant de problèmes dans votre vie et vous allez passer toute votre vie à vous plaindre. Ça, c'est la première raison pour laquelle beaucoup d'entre vous vous plaignez, mais vous ne trouvez pas de solution. Voilà, vous allez vous plaindre, mais en réalité, vous-même, vous êtes responsable des événements qui vous arrivent. Qu'est-ce qui a cloché ici? Ce qui a cloché, c'est parce que vous n'avez pas été honnête avec vous-même. Lorsque vous prenez cette nouvelle responsabilité, vous allez vous cacher dans la franc-maçonnerie, vous allez vous cacher dans la rose-croix. Mais est-ce qu'avant cela, il faut reconnaître que moi, je sens quelque chose. Dans la maçonnerie, on vous parlera de cela. On vous appelle, on vous demandera de faire ce qu'on appelle prêter le serment. Mais quand vous prêtez votre serment, il y a ce qu'on appelle le respect du serment original. Mais ce respect du serment original, donc, va consister pour vous de déballer tout ce que vous avez fait de votre vie passée. Dans la véritable tradition originale égyptienne dont je suis rentré, on nous demande de le faire. Dans l'Obuiti, on vous demande de le faire. Dans n'importe quelle initiation traditionnelle africaine, on va toujours vous demander de faire ce qu'on appelle la confession. Ça veut dire que vous devez dire tout à votre maître. Parce que vous allez peut-être avoir la chance du hasard. Hein. 1 sur 10 réussissent, paf, l'initiation a bien marché. Les génies se sont présentés à vous, tout marche bien. Mais seulement, vous avez triché. Et quelques temps après, voilà les problèmes qui tombent. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est mal parce que vous n'avez pas fait votre confession. Élément numéro 2. Les actes que vous posez au cours de votre vie. Les actes que vous posez, pour revenir sur le propos, la citation de Pythagore, car tout état de conscience égale à tout état de vie. Donc, les actes que vous avez accumulés tout au long de votre vie, tout le mal que vous avez créé aux autres, ce mal va vous poursuivre, mes frères et sœurs. Dans la vie, on ne triche pas. Vos pensées. Voilà pourquoi je dis d'abord sous le babab, dans mes anciens et ma pratique, j'ai toujours dit, non seulement vous devez méditer 4 fois par jour, il y a les heures qui sont indiquées, vous devez passer le temps en communier avec l'être suprême, appelez-le comme vous voulez, priez avec l'être suprême, honorez vos morts, honorez plutôt nos ancêtres, ça veut dire communier avec eux. Si vous suivez bien mes enseignements, je ne vous ai pas dit que comment prier nos ancêtres, j'ai dit comment communiquer avec nos ancêtres. Cette communication est un moyen intime, normal, de communion et d'honorer nos morts. Et qu'est-ce que ça veut dire honorer? C'est reconnaître qu'ils sont à nos côtés, reconnaître qu'ils existent autour de nous, reconnaître qu'ils agissent en lieu et place, parce qu'ils représentent Dieu sur terre. Et dans une grande philosophie, peut-être au 9e degré, votre humble serviteur risque de vous créer des maux de tête et de vous décourager de ne plus croire en Dieu, parce que je vous dirais que Dieu n'existe pas. Voilà, vous allez dire que je suis fou. Mais je l'explique sous le babab que lorsque, au fur et à mesure que vous prenez votre initiation, donc au fur et à mesure que vous rentrez dans l'école de l'apprentissage de se connaître soi-même, ce que vous pouvez appeler en parapsychologie ou en psychologie éducationnelle, ce que vous appelez le développement de soi. Donc, vous allez vous développer vous-même, l'école de apprendre à connaître qui tu es. Donc, l'école de ce qu'on appelle le connais-toi toi-même. Maintenant, quand vous allez rentrer dans l'école de connais-toi toi-même, l'erreur que la plupart des gens, surtout nos frères religieux, commettent, c'est qu'ils vont chercher à connaître Dieu. Et c'est là où il y a échec pour beaucoup de personnes, parce que Dieu, on ne le voit pas. L'apôtre Paul, malgré le fait qu'il ait vociféré dans le livre de Romains, chapitre 4, en disant, mais vous qui doutez que Dieu n'existe point, mais écoutez, ses qualités invisibles se voient distinctement depuis la création, qu'il serait une folie pour vous de pouvoir nier de cet être qui existe, même si vous ne le voyez pas. Bref, il tente de justifier, expliquer aux gens qui doutent. Mais pourquoi vous avez ce doute? Mais parce que, justement, vous commettez l'erreur à chercher à connaître que vous ne connaissez, à chercher à connaître un être que vous ne connaissez même pas. Parce qu'on vous a dit de bouche à oreille, parce que par suivisme, par phénomène dogmatique, par phénomène que moi j'appelle de programmation, on vous donne ça et bêtement vous y croyez. On vous dit, mettez la foi et puis c'est tout. Or, cette foi, vous oubliez une chose, elle se développe, elle n'est pas innée. La foi se cultive, vous comprenez? Donc voilà pourquoi, dans mon assertion, lorsque je dis « Dieu n'existe pas », vous arriverez à cette compréhension lorsque vous serez lancé dans l'école de « connais-toi toi-même ». Parce que quand tu vas te connaître toi-même, alors tu connaîtras qui est Dieu. Mais en réalité, Dieu c'est qui? Allez-y lire les livres saints. Sinon, le livre saint se contredirait. Bref, pourquoi il y a autant de problèmes dans votre vie? Pourquoi vous vous plaignez trop? Je crois que j'ai répondu à la question. Vous posez des actes. Et à la fin, vous vous demandez quand ces actes vous rattrapent. Et au lieu de reconnaître votre propre tort, vous mettez ce tort sur les autres. Vous avez fait une demande d'emploi. J'ai discuté avec quelqu'un d'un pays étranger. Je crois qu'il est du côté de l'Irak. Bon, c'est un frère Balan. Il n'est pas irakien, mais c'est quelqu'un qui est contractuel. Hein? Un frère français qui est allé ouvrir son entreprise en Irak. Eh bien, il a eu ses millions, tout marchait très bien. Mais à la fin, il me dit, ah mais mon Dieu, ça ne va plus, vraiment, ceci, ceci, cela. Et quand je lui pose des questions maintenant personnelles, mais je découvre qu'il s'est tellement amusé avec l'argent, il n'a pas satisfait certaines autorités comment dirais-je, sous silence occulte, dirais-je. Vous savez, ça existe partout, ce qu'on appelle en anglais the bribery. Le bribery, c'est quoi? Un peu l'esprit de corruption. Hein? Donc, il faut quand même donner des pots de vin. Voilà, c'est le mot. Il avait promis ce mec-là de donner des pots de vin et il n'a pas tenu à sa parole. L'argent a coulé, il a eu tous les millions. Maintenant, il me dit, non, monsieur, par hasard, quelqu'un m'a montré vos vidéos. Là, vous parlez de ceci, des phénomènes de la vie. Est-ce que vous pouvez prier pour moi et tout, tout. Je dis, ça a commencé comment cette affaire? Prier sur quoi? Je vais d'abord écouter votre problème. Oui, mais parce que j'ai essayé de balancer des contrats gauche à droite, on ne me donne pas de réponse, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai dit, vous savez quoi? La première des choses, faites d'abord ce qu'on appelle une rétrospective à l'intérieur de vous-même. Revoyez votre vie. Revoyez tout en vie, votre vie en vous et soyez honnête avec vous-même avant de commencer à vous plaindre. Vous vous plaignez alors que vous êtes auteur de ce qui vous arrive. Et c'est comme ça, il m'ouvre le cœur. Je dis, mais c'est normal. Allez-y, repartez vers ces gens-là, demandez pardon, donnez-leur le pot de vin, faites ceci, cela. Mais ça rentre dans le cadre spirituel. Vous avez eu un mauvais comportement pendant que votre père et votre mère vivaient, votre soeur avec qui vous étiez intime. Maintenant, parce que vous avez fait de hautes études, vous êtes devenu docteur, maman meurt, ou bien pendant que maman était malade, vous n'avez pas eu le temps d'écouter cette mère ou d'écouter ce père qui détient sûrement certains secrets. Mais non, parce que votre intellect a été programmé désormais, votre intellect africain est mis aux poubelles, vous êtes influencé par l'intellect occidental. Alors, l'intellect occidental va vous dire non, c'est d'abord l'école. Et de l'école, vous faites ceci, cela. Entre-temps, votre parente est morte avec tous les secrets. Elle est morte avec une haine vis-à-vis de vous. Elle est morte avec cette colère en elle, en disant, mais mon Dieu, ma fille, pour qui j'ai souffert, je préparais les gâteaux, je me sacrifiais, je n'ai pas fait l'école, j'allais faire des nuits entières. J'étais obligé, parfois, aller me prostituer pour faire en sorte qu'elle puisse réussir dans sa vie. Pourquoi elle me fait une chose pareille? Maintenant qu'elle a eu son doctorat au pays des blancs, maintenant qu'elle est devenue quelqu'un. Boum. Deuxième cas, madame, vous vous plaignez. Comme maintenant, aujourd'hui, j'ai 60 ans, je ne sais pas ce qui m'arrive. Les maris, ça ne marche pas. Je vais démarier un autre. Mais tu oublies que lorsque tu avais 18 ans, lorsque tu étais encore là-bas, au lycée, après tu es parti au lycée, mais plutôt à l'université, comment tu menais ta vie dans ta jeunesse? Une belle femme qui s'est livrée à n'importe qui parce qu'il y avait des ministres qui venaient avec les grosses bagnoles, vous partiez les voir et votre karma ne faisait que se salir. Les gens vous faisaient des pratiques que vous ne maîtrisiez même pas. Et vous étiez tellement arrogante. Vous vous êtes mariée à un monsieur qui était directeur, quelque part, une grande société de la place. Et ce directeur-là a fait tout pour vous, faire en sorte de vous payer vos études supérieures. Vous parveniez, vous êtes devenu quelqu'une, et puis vous êtes rendu en France. Vous prenez quand même le téléphone, écoutez, parce que vous avez rencontré un jeune qui est comme Black Le Rock. Vous avez rencontré un jeune Black Le Rock, ou bien Zambala, avec tous les muscles possibles, partout et en tout lieu. Maintenant, vous dites au revoir à monsieur Agnanimpio. Le pauvre Agnanimpio qui a dépensé l'argent dans votre vie, vous l'abandonnez. Et puis vous allez vous demander, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, vous, d'une relation à une autre, rien ne marche. Vous avez abandonné Agnanimpio de manière brutale, alors que ça, c'est l'homme que les parents ont donné les bénédictions. Vous vous retrouvez avec M. Tartampion. M. Tartampion dit, ah, moi, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas dedans. Divorcé. Vous partez de Tartampion, vous partez chez M. Chocolat. M. Chocolat fait la même chose. Vous abandonnez Chocolat. Vous allez voir M. Achanchong. Achanchong, un frère originaire du Nigeria. Le frère originaire du général lui dit, oh non, non, non, moi je ne suis pas dedans. Et vous vous posez des questions, vous venez me voir, oui, mais j'ai été initié, moi je ne comprends pas, moi je crois que les gens ne m'aiment pas, les gens sont méchants. Mais maman, revois ta vie lorsque tu avais 18 ans. Repars quand tu avais 18 ans, 19 ans. Vous comprenez? Et aujourd'hui tu t'es plaint. Tu t'es plaint alors que tu oublies quand tu étais au lycée. Lorsque tu brillais dans ta jeunesse, tu oublies les actions que tu as posées. Ok? Voilà un troisième cas. Quatrième cas, mon frère, tu es rentré dans les loges maçonniques. Voilà. Tu es rentré là-dedans. Moi, je ne connais pas les obédiences. Il y en a tellement au niveau de l'Afrique. Moi, je connais mieux celles qui sont aussi aux États-Unis. Maintenant, tu es rentré dans une obédience de loge. Est-ce que tu as respecté ce qu'on appelle les préambules et les principes de cette loge-là? Est-ce que tu as respecté ce qu'on appelle le secret du serment? Voilà, à la fin, tu te poses des questions, mais c'est pas possible, moi. Mais c'est ce putain de bordel. Je suis allé ici, rien ne marche. Mais... Et puis vous fâchez contre les frères maçonniques, vous les abandonnez, vous claquez la porte. On ne quitte jamais un milieu auquel vous étiez attaché spirituellement, mentalement, secteur, milieu sectaire quelconque, on ne quitte pas ce genre de milieu-là avec la colère ou sans respecter. Allez-y, me suivre ma vidéo. Comment démissionner d'une secte ou bien comment quitter une secte ou une religion? Il y a une vidéo. Allez-y, je vous ai dit que bien, la manière qu'il faut faire. Parce qu'il y aura toujours le phénomène de schisme. Voilà la deuxième fois que j'utilise le terme schisme. Schisme. Il y aura tous ces phénomènes, c'est-à-dire la colère, le craquage de la colère des égrégores. On ne joue pas avec les forces égrégoriques. Je vous ai dit que les égrégores existent. Il y en a plus d'égrégores que d'esprits dans le monde invisible. Les esprits existent. C'est-à-dire ce que nous appelons nos ancêtres, les esprits de nos ancêtres, les anges, les archanges et tout ceci, et même celui que vous allez appeler Dieu là. Ils existent, mais il existe en même temps beaucoup plus d'égrégores. Les égrégores, c'est quoi? Les égrégores, c'est la création de l'homme. OK? Tout ce que vous créez dans votre tête. Voilà pourquoi je le disais à des étudiants infirmiers d'État hier, qui sont venus à mon bureau. Je leur expliquais que, je posais la question à tous, croyez-vous en Dieu? Il y a eu à peine deux qui ont répondu oui. J'ai dit, pourquoi vous croyez en Dieu? Je ne sais pas. J'ai dit, OK, sûrement vous croyez en Dieu par suivisme. Suivisme veut dire que parce que la famille, le père et la mère, vous entraînez tout le temps à l'église. Let's go to church. Hey, this is Sunday. This is Sunday. We need to go and praise the Lord. Mais il faisait ce credo tous les jours, mais en réalité, vous n'aviez aucune notion réelle de qui est Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes embarrassé, vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Et cela, je le dis, mais si je vous disais que Dieu n'existe nulle part comme vous, il est là. J'ai dit, bon, voilà, c'est ici. Donc, les égrégores se créent à partir de vous. Vous comprenez? C'est pour cela que nous avons trop d'égrégores. Ces égrégores se sont créés à partir des personnes qui ont été dessus des milieux religieux. Voilà comment les égrégores se sont créés. Mais les religieux eux-mêmes, ce sont des grands fondateurs des égrégores. Mais Jésus, c'est l'égrégore. Mohamed n'est pas égrégore. Lui, il a existé réellement. Mais le reste, là, à gauche, à droite, ce sont des égrégores que vous créez. Donc, ces égrégores peuvent vous poursuivre également. Et quand ça vous poursuit et que vous payez le karma, vous commencez à vous plaindre. Vous comprenez? Donc, faites très attention aux plaintes. Et deuxième, dernière raison fondamentale pourquoi il faut éviter de se plaindre. Quand vous vous plaignez trop, vous créez ce qu'on appelle la zizanie dans le monde invisible. Je répète, quand vous vous plaignez trop, disais-je, quand vous vous plaignez trop, vous créez de la zizanie dans le monde invisible. Vous comprenez? Un être humain qui est nanti de savoir, de la connaissance et qui connaît les quatre principes fondamentaux de la magie. Donc, moi, je ne veux plus expliquer ce que c'est magie. Ceux qui sont habitués à moi, ils connaissent ce que ça, on appelle la magie. Maintenant, ceux qui sont nouveaux là, allez-y prendre le dictionnaire. Magie veut dire tout simplement maîtrise, excellence, prêtrise. Ça vient du mot latin, hébraïque et araméen, mag, mig, mog, magia. Ça veut dire simplement l'excellence. Donc, quelqu'un qui a l'excellence, qui maîtrise les lois naturelles et surnaturelles. Et quand il maîtrise toutes ces lois, par la mise en application de ces connaissances-là, il devient un connaissant. Or, un connaissant, c'est un connaisseur qui maîtrise la connaissance, dont la connaissance l'a transcendée. Mais par cette transcendance, son âme, son esprit et son corps et toute sa vie vibrent en harmonie avec la connaissance. Voilà pourquoi nous, quand nous sommes maintenant sur cette longueur d'onde que vous pouvez appeler en liaison et en diapason avec les dieux, il nous est interdit de faire le mal. Il nous est interdit de se plaindre. Parce que quand vous vous plaignez, vous créez la zizanie. Quand vous vous plaignez, vous créez la zizanie du côté, dans le plan invisible. Comment cela? Je vous explique. Vous faites une demande. Moi, là, je m'adresse à nos frères religieux, là. Oh, alléluia, Jésus-Christ vient au secours. Ceci, cela, blablabla. Et vous constatez qu'il n'y a pas de résultat. C'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Mais peut-être que vous avez violé une loi. Au lieu de vous plaindre. Oh non, moi je ne crois pas, machin, je sais que. Non, vous allez même trouver une philosophie. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Dieu opère des manières miraculeuses pour tout le monde? Dieu n'a pas besoin de vous faire attendre un jour ou deux jours ou trois jours ou cinq jours. Et il y aura l'excuse suivante. Oh, mon frère, tu sais, à chacun son tour chez le coiffeur. Donc, Dieu, il gère 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc, toi, tu vas attendre. Ah bon, on vous a dit que ça se passe comme ça. On vous a dit que ça se passe comme ça. Vous-même, vous êtes une particule de Dieu. Quand on vous a dit que Dieu va attendre ton tour, mais simplement parce que vous n'avez pas encore connu le secret de vous mettre en connexion avec l'âme universelle. Parce que vous-même, vous êtes une âme. Vous-même, selon le livre de Genèse 2, chapitre 1, 2, 3, qui dit que Dieu créa l'homme à son image et l'homme devint la ressemblance de Dieu. Vous êtes la ressemblance de Dieu et vous vous tracassez à dire que non, il faut attendre mon tour. Non, ça n'a rien à voir. Ce problème fondamental, c'est parce qu'il y a violation de ce que votre maître Jésus a dit quelque part, que toi, avant d'aller offrir, donner des offrandes à Dieu, rassure-toi que tu fais d'abord la paix avec ton frère. Parce que cette offrande que tu vas donner à Dieu là, si tu ne fais pas la paix d'abord avec ton frère, Dieu ne va même pas accepter ton offrande. En d'autres termes, toi qui demandes des choses dans ta vie, tu demandes des solutions dans ta vie. Mais si tu n'as pas établi la paix d'abord avec toi-même, ensuite avec la personne que tu as offensée, avec la personne que tu as fait du mal, avec la personne qui, lorsque la personne était morte, qui voulait te dire des choses, mais la personne a accumulé des colères en elle, voilà pourquoi nous, dans nos traditions, et que moi, au cours de mes prochains séminaires, c'est sur ça que je vais mettre l'accent, il faut créer ce qu'on appelle rétablir la paix avec vos ancêtres. Vous pensez, dire, ah, maman m'avait, moi et maman et moi, on était toujours à couteau tiré, c'est pas normal. Donc, vous appliquez le rite spécial que je vous ai recommandé, comment communier maintenant avec vos ancêtres. Ce rite-là est différent du rite naturel que vous allez faire désormais simplement derrière votre maison tous les jours, sans limite. C'est différent parce que ce rite s'appelle le rite de réconciliation d'abord avec vos ancêtres. Leur demander grandement pardon. Et comme je vous ai expliqué, là, vous allez vous présenter, vous allez vous adresser à eux pour leur consacrer le temps, parler à chacun d'entre eux. Là, c'est différent. N'allez pas directement dire, oui, maman, moi, mes problèmes là, c'est toi. Hein. Moi, maintenant, je viens te dire, il faut m'aider à trouver le poste là, le travail. Rien, elle ne va rien vous donner. Il faut d'abord faire le premier pas qui consiste pour vous de vous réconcilier et de demander pardon aux offenses, à tout ce que vous avez créé à ces ancêtres là. Ceux qui sont encore tout nouveaux là, qui sont bornés dans les histoires de Jésus, alléluia, à gauche, à droite, allez-y me lire Matthieu chapitre 17, du verset 1 jusqu'à 12. Jésus lui-même est rentré en communion avec son ancêtre, appelé Moïse. Moïse, fils d'Amram. Amram, fils, petit-fils d'Élie. Élie, fils de Jacob. Parmi les 12 fils de Jacob, c'est-à-dire les fils d'Israël. Lequel fils d'Israël qui était fils d'Isaac. Isaac, rappelez-vous, avait 2 enfants, Ésaü et Jacob, qui est devenu Israël. Il est devenu Israël après son combat avec les anges. Il montait et descendait sur l'échelle des 72 archanges ou anges qu'il voyait descendre en rêve. Et de celui-là, donc, était fils d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham, Abraham, fils de Tara, Tara, petit-fils de, c'est-à-dire fils de Enoch, petit-fils de Adam. Voilà l'histoire, donc, claire pour dire que même votre Jésus, là, lui aussi, il honorait les morts. Il a communié avec son ancêtre. Donc, il n'y a aucun mal à cela. Pour vous dire, vous devez donc vous réconcilier avec vos ancêtres. Et une fois que vous avez fait cette réconciliation, il y aura des signes. Il y aura des signes. Vous allez dormir et vous verrez votre mère, ou bien vous verrez beaucoup d'esprits qui vont être autour de vous. Vous ne connaissez même pas ces mecs-là. Ça veut dire que les ancêtres ont maintenant écouté la paix. Et quand vous allez vous adresser à votre mère que vous avez offensée, vous allez dire également à la mère de demander pardon à tous ceux que vous avez offensés. Voilà comment vous verrez que votre vie se décante. Mais vous vous plaindrez, vous plaignez. Vous, au lieu de trouver la solution à l'intérieur de vous-même, vous blâmez les gens. Donc, la troisième raison fondamentale, je vous ai dit, vous créez la zizanie. Ça, c'est la dernière raison, je vais clôturer. Cette zizanie que vous créez, c'est quoi? Quelqu'un, il y a des gens qui vont dire non, chacun, comme je disais tantôt, chacun s'entoure chez le coiffeur. Non, ça ne marche pas comme ça. En réalité, quand vous constatez qu'il y a un blocage, deux raisons scientifiques et mystiques. La demande que vous faites, il faut reformuler et revoir comment la faire. Vous, quelqu'un m'a demandé, moi je veux un nouvel emploi, mais rien, je suis bloqué. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait ton résumé? Oui. Bien. Est-ce que tu as mis tes diplômes? Oui. Est-ce que tu as pris rendez-vous là-bas? Oui. Est-ce que tu connais le nom du directeur des ressources humaines? Non. Est-ce que tu connais ceci? Non. Je dis, ok. Prends le nom du directeur des ressources humaines. Fais-moi un résumé proprement parlant. Fais ceci, cela. Joins ton papier et ensuite, maintenant là, va déposer. Et une fois on dépose, maintenant, on va parler. Et comme toi, tu es chrétien, Jésus a dit quoi? Que là, vous serez réunis à deux ou plusieurs en mon nom, je serai là au milieu de vous. On a fait la prière. Le monsieur, je vous dis que, était bloqué pendant près de 7 mois. Il pleurait jour et nuit. Mais après qu'on eût appliqué ceci. Et là où je vous parle, hein, le monsieur se trouve si loin du Rwanda. Moi, je suis à Dayton, Ohio. Nous sommes à des millions de kilomètres de distance. Mais au téléphone, je lui ai dit d'appliquer. Nous avons prié. Il y a 2 jours, il m'appelle, les larmes aux yeux, il dit vraiment, mon Dieu, j'ai été reçu et j'ai eu mon nouveau boulot. Voyez-vous? Donc, parfois, vous vous plaignez, mais parce que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. En dehors de la zizanie que vous créez, le fait que vous plaignez trop, même si les esprits veulent vous aider, ils diront, mais toi, tu parles trop. Et au lieu de vous plaindre à l'intérieur de votre cœur, ce qui est recommandé pour tout initié, restez dans votre cœur. Oh, tête à moi. Les génies, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas la solution? Donnez-moi l'inspiration. Voilà la plainte. Plaignez-vous à l'intérieur. Mais quand vous allez vous plaindre à gauche et à droite, vous ouvrez la bouche. Le pouvoir est sur votre bouche. Le pouvoir du verbe. Au commencement était le verbe. Le verbe était Dieu. Et ce verbe était avec Dieu. Mais ce verbe aussi devint créateur. Il devint au milieu des hommes. Parce que ce verbe a le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De donner vie. Pourquoi? Parce que ce pouvoir du verbe donne la lumière. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous parlez trop, vous vous plaignez trop, vous gaspillez des énergies inutiles. Et quand vous gaspillez ces énergies inutilement, vous perturbez l'harmonie céleste. Vous perturbez l'harmonie spirituelle invisible. Même les grands maîtres vont dire, mais toi, tu es comment? Oh, on te donne tout, tu es en train de te plaindre? Donc, ils bloquent. Et puis, vous allez de pire en pire. Avez-vous retenu la chaîne de toutes les trois raisons? Les raisons karmiques, les actes que vous-même vous avez commis de par le passé. Les raisons karmiques, deuxième phase de votre vivant, les actes que vous avez posés, s'il vous plaît. Vous avez mené une vie de désordre, mais vous ne vous avez oublié. Votre conscient individuel est complètement enfermé. Or, votre conscient individuel, qui était embrigadé dans certains milieux qu'on appelle conscience collective, c'est-à-dire phénomène égrégorien, donc dans les égrégores à gauche et à droite, vous n'avez pas suivi des règles. Comment sortir de ces milieux? Ou bien vous étiez dans le bouti, initié du bouti, votre père avant de mourir vous a donné un pouvoir, mais vous n'avez pas gardé le cordon ombilical en harmonie avec lui, vous ne vouliez plus communiquer avec lui, vous avez pris le pouvoir, c'est fini. Et en retour, savez-vous ce que la personne dit? Savez-vous que l'initié communique beaucoup plus de l'intérieur vers le supérieur? Ça veut dire tout initié, normalement qui connaît les principes humiliables des fonctionnalités des pouvoirs mystiques et cosmiques, rentre en communion d'abord à l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur qu'il rentre en communion avec Teta Mwanga, Dibanga Mwanga. Et de là, quand il va commencer à vibrer, à émettre des sons qu'on appelle les mantras chez les hindous, ces mantras-là, ces mots de pouvoir peuvent vous détruire votre vie. Et ça va vous calbogner votre vie, et vous serez en train de vous plaindre à chaque fois. Mais seulement pour éviter cela. Retour aux sources. À chaque fois que vous subissez une initiation, même ceux-là à qui je donne des enseignements, ceux-là pour qui je prie, il y a certains qui se sont moqués de moi. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de votre argent, mais moi, je suis, c'est la règle traditionnelle. J'ai dit à lui, là, le type, là, qui devient maintenant, qui a eu le grand boulot. Bon, j'attends, il a dit non, il m'a appelé, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ceci. Toi, tu es resté bloqué pendant 7 mois. Ça allait même être bloqué pour toute ta vie. J'ai dit la même chose à notre jeune Français, là, en Irak. J'ai dit que, même si tu gagnes les millions, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de ton argent, mais seulement, c'est une règle fondamentale traditionnelle. Une fois tu as les résultats des travaux que je vais faire, il faut m'envoyer au minimum 10% de ce que tu as. Ce 10%, je ne le mets pas dans ma poche. Ce 10%, je ferai des offrandes au génie. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas besoin, j'ai un salaire et je vis décemment et bien, je gagne bien mon argent. Je n'ai pas besoin de vos sous là. OK? Donc, la même chose, la personne au Rwanda. Une fois, il a obtenu son boulot. Je lui ai rappelé ça il y a 2 jours quand il était en train de sauter les joies. J'ai dit, voilà, tu connais le principe, hein? Tu es resté au chômage pendant 7 mois. Tu as eu quoi? L'autre, le français, là, ça fait 2 ans ou 3 ans. Donc, on vous demande de prendre le minimum 10%. Il y a certains jeux ils ont donné jusqu'à 50%. Je ne vous cache pas. Ils ont dit, oh non, monsieur, on oublie vraiment apprenez. J'ai dit, non, ce n'est pas pour moi. Je fais des sacrifices. Je donne ça aux ancêtres. Je ne peux pas vous cacher. Moi-même, je prends quelque chose que je mets dans mon compte réservé à mon projet du temple universel que j'ai prévu entre le Congo et le Gabon. Selon la situation, quand elle va se stabiliser. Bref, voilà. Et enfin, la dernière raison, je vous ai dit, c'est lorsque vous créez trop, quand vous vous plaignez trop, vous créez la zizanie. OK? Il faut arrêter de vous plaindre. Vous créez la zizanie. Donc, vous empêchez les maîtres invisibles d'intervenir. Vous allez même empêcher vos ancêtres d'intervenir. En plus forte raison, celui que vous appelez Dieu. Maintenant, je vais vous donner des quotations bibliques. Il s'agit de Moïse. Moussa Aboua, c'est comme ça nous on l'appelle chez nous. Moussa Aboua est en train de marcher avec ces gens là-bas pendant 40 ans dans le désert. Il n'y avait même pas 40 ans, à peine 10 ans. Même pas 10 ans. Première année comme ça, oh vraiment. Et pourtant, ils ont traversé la mer Rouge. Et pourtant, ils ont vu la nourriture qui tombait du ciel. Rien. Ils commençaient à se plaindre. Oh toi Moïse, vraiment, nous on était bien. Ceci, cela. Vous savez ce que l'Éternel, le Dieu, a dit à Moussabou, et Moussabou a dit au peuple. Il dit, oh, vous aussi, vous me donnez des maux de tête. C'est moi qui deal avec l'homme là que vous ne voyez pas. C'est moi qui deal avec Dieu, mon Dieu. Pourquoi vous me faites ça? Il m'a dit de vous dire ceci. Arrêtez de murmurer, oh, arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Parce que c'est un Dieu qui agit dans le secret. C'est un Dieu qui agit dans le pouvoir mystique invisible. Et souvent, il le donne beaucoup plus à celui qui sait garder le silence, à celui qui est patient. Dans cette patience intérieure et connexion interne, vous verrez le miracle se produire. N'avez-vous pas remarqué que ce sont les gens qui sont beaucoup plus silencieux qui réussissent plus dans leur vie? Moi, je m'en souviens, quelqu'un de son vivant, hein, il avait dit, l'argent n'aime pas le bruit. Mais en temps, on découvre qu'il avait des usines en Guinée équatoriale, il avait des choses, des activités en France, à gauche, à droite, bon, même si c'est de l'argent qui avait été détourné, mais détourné. Pardonnez-moi, on ne parle pas politique ici. Mais c'est un homme politique influent qui était au Gabon. Moi, j'ai retenu ça de lui. Il a dit, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, il en est de même dans le monde mystique spirituel. Il ne faut pas trop faire du bruit. Parce que quand vous faites trop le bruit, vous chassez les esprits. Vous chassez même l'esprit de Dieu. Donc, arrêtez de vous plaindre. Avant de vous plaindre, s'il y a un problème qui commence à peser lourd sur vous, faites ce qu'on appelle l'examen de soi. Une fois vous examinez à l'intérieur de vous, et puis vous voyagez dans l'espace et le temps, vous voyez que le mariage, ça ne marche pas. Entre-temps, vous avez créé des problèmes à M. Macambo. Quand vous étiez en relation avec M. Macambo, vous oubliez que Macambo était un grand franc-maçon qui avait des pouvoirs énormes, bizarres, qui mélangeait des histoires de magie dedans. Que mes frères maçons là, mais pardon, non, je n'ai pas dit que tous les maçons sont mauvais. Mais il y a des maçons qui mélangent la magie noire, qui mélangent la sorcellerie, qui mélangent ceci, cela, avec les histoires du village, avec les francs-maçons, les pauvres francs-maçons. Les francs-maçons ne tuent pas quelqu'un. Mais ils vont tout mélanger. Maintenant, vous, mademoiselle Marguerite, vous avez oublié que M. Macambo était dans des pratiques bizarres. Vous avez oublié que vous avez aimé M. Macambo parce que vous vouliez son argent. Vous avez oublié que vous avez exploité M. Macambo parce que vous vouliez devenir docteur en France. Et aujourd'hui, vous êtes docteur. M. Macambo, maintenant, parce qu'il n'a qu'un niveau CMD, mais lui, il a été favorisé par les pouvoirs des partis politiques en Afrique. Comment vous savez ça se passe? Ça ne se passe pas par le niveau ni par la compétence. Simplement parce qu'il est de la même tribu, il est du même coin, de la même province que le chef de l'État. Alors Macambo a été promu, boum, vice ministre, ministre chargé de ceci, il a beaucoup de sous et vous avez profité de son argent. Vous n'avez pas eu un amour sincère à lui. Mademoiselle Marguerite, et vous posez des questions aujourd'hui, vous avez 65 ans, vous vous demandez pourquoi votre vie ne progresse pas. Et vous, monsieur Dibata, vous avez oublié que la pauvre Nsam du village d'Akouakam, dans le coin de Benchen, là-bas, dans le Wellington, au village d'Akouakam. Mais madame, la pauvre Nsam, elle a tout fait pour faire de vous. Vous étiez encore étudiant, elle vous a soutenu. Hein? Dibata. Madame Nsam a tout fait pour que vous réussissiez. Madame Nsam a même fait toutes ses relations. Elle est allée jusqu'à aller même sortir avec le directeur chargé des bourses d'études du Gabon. Tout cela, Dibata, toi, tu ne savais pas. Elle est venue te dire, oui, mon petit, c'est bon, j'ai tout fait, tu as déjà la bourse. Et elle t'envoie, tu vas en Russie. Dibata, tu réussis, tu es en Russie, tu gagnes ton doctorat en engineering, tu deviens grand informaticien, tu as maintenant de grandes activités. Dibata, maintenant tu as vu une jeune demoiselle. Mademoiselle, m'as-tu vu? Mademoiselle, m'as-tu vu, te tourne le cœur, maintenant tu oublies Madame Nsam. Parce que Nsam devient vieille pour toi maintenant. Parce que Madame Nsam, quand tu courais après, quand tu étais étudiant au Gabon là, tu n'avais pas vu la différence de l'âge. Madame Nsam avait dit, elle était 8 ans plus âgée que toi, celle-là tu n'avais pas vu. Maintenant, aujourd'hui, parce que tu as vu, m'as-tu vu? Mon frère, aujourd'hui, tu te trouves bloqué. Malgré tes diplômes, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Même la grande compagnie Volkswagen a arraché le contrat que tu avais. Alors, le karma est en train de te frapper. Dibata, il est grand temps que tu contactes Maman Nsam. Mais tu me dis que Nsam est morte. Maintenant, si Nsam est morte là, mais tu vas porter ce karma-là pour le reste de ta vie? Tout ça de ta faute. Alors, tu continues à te plaindre, et vous allez continuer. Vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre. Jusqu'à ce que la plainte va vous calomnier vous-même et cette plainte-là va aller en enfer. L'enfer n'existe pas, c'est une manière de parler et vous serez finalement rien dans la vie. Donc, il est grand temps, s'il vous plaît, d'arrêter de vous plaindre. Au vu de toutes les trois raisons fondamentales que je vous ai données, prenez conscience que arrêtez de vous plaindre. OK? Que t'es à moi. Adibanga Banga vous bénisse. J'en ai terminé pour ce matin. J'étais prévu pour 30 minutes. Voilà maintenant. Je suis parti à 1 heure de temps. C'est pas grave. Je n'abuse pas de la confiance de mes chefs. Bon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pardonnez-moi, je suis en train d'envoyer un petit message là-bas au chef de service pour lui dire que j'aurai un retard de 40 minutes au lieu d'une heure. Pardonnez-moi. Est-il bien de, comment on appelle, est-ce qu'il est bon de pouvoir rentrer dans une école d'évolution à travers la Rose-Croix? Oh, moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ça, c'est pas mauvais, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Rose-Croix, moi, je la recommande par rapport aux histoires des maçons, parce que les maçons ne sont pas trop spirituels. C'est beaucoup plus fraternel. On appelle ça ici des brotherhood. Les maçonneries. Tout le monde en sait, vous pouvez Google. Maintenant, ils n'ont même plus de secrets. Les choses qui étaient secrets, là, rien, ce n'est plus secret. Bon, sauf il y a certains secrets qui ne peuvent pas en parler sur YouTube. La maçonnerie, comme je disais, c'est beaucoup plus la fraternité, l'esprit d'entraide. C'est des humanistes. Voilà, on vous développe à devenir humaniste. Et cette entraide consiste donc pour pouvoir vous aider à atteindre certains objectifs. Parce que c'est la question qu'on va vous poser. Toi, tu veux venir chez nous ici pour faire quoi? Donne-nous tes objectifs, c'est quoi? Donc, il faut être clair. Et une fois vous précisez ça, vous comprenez? Mais la Rose-Croix, c'est différent. La Rose-Croix, elle est beaucoup plus attachée à nos principes humiliables et initiatiques originels. C'est beaucoup plus l'éveil de l'esprit, c'est beaucoup plus la spiritualité à un haut niveau. Donc, si vous voulez choisir le chemin de la Rose-Croix pour votre évolution spirituelle, n'y a pas de problème. Je ne peux que vous recommander d'y adhérer. Il n'y a pas de problème. Si ça s'adapte à vous, il n'y a pas de problème. Mais généralement, moi, je suggère, nous, en tant qu'hommes noirs et africains, de rentrer dans nos écoles initiatiques africaines. Mais je ne vous en veux pas parce que vous êtes en Europe, oui, la Rose-Croix serait le meilleur choix. Parce que c'est proche de la réalité initiatique originale. Parce que la Rose-Croix a pris forme et naissance à partir de nos pyramides, à partir de l'Égypte, à partir de l'Afrique antique. C'est là-bas où la Rose-Croix, normalement, a pris naissance. Vous apprendrez sûrement la même chose sur la franc-maçonnerie. Surtout quand on parle du degré 33 de la franc-maçonnerie. Que t'étais-moi, Ibanga-Banga vous bénisse. Merci encore. Et sur ce, je vous quitte. Je ne veux pas abuser du temps là, j'ai déjà envoyé le message. Merci de m'avoir suivi et que j'espère que vous allez arrêter de trop vous plaindre. OK? Retenez que la meilleure plainte, c'est celle qui est intérieure. Plaignez-vous à l'intérieur parce que quand vous plaignez depuis votre temple intérieur, puisque vous êtes le temple de Dieu, c'est de là que vous aurez une réponse appropriée. Et vous verrez que les maîtres vont vous inspirer. Mais si vous partez trop vous plaindre à gauche, à droite, gaspiller vos énergies, vous n'allez plus évoluer et vous verrez que la vie va aller de pire en pire, de pire en pire. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Que t'es à moi. Merci. Merci.